D'ailleurs, leur conduite a été charmante partout, à Lyon, à Lille, au Havre, à Paris. Car, à l'exemple des fabricants qui voudraient exclure les produits de l'étranger, ces messieurs réclament pour qu'on bannisse les travailleurs anglais, allemands, belges et savoyards. Quant à leur intelligence, à quoi servit sous la Restauration leur fameux compagnonnage? En 1830, ils sont entrés dans la garde nationale sans même avoir le bon sens de la dominer. Est-ce que, dès le lendemain de 48, les corps de métier n'ont pas reparu avec des étendards à eux? Ils demandaient même des représentants du peuple à eux, lesquels n'auraient parlé que pour eux, tout comme les députés de la betterave ne s'inquiètent que de la betterave. Ah, j'en ai assez de ces cocos-là, se prosternant tour à tour devant l'échafaud de Robespierre, les bottes de l'empereur, le parapluie de Louis-Philippe. Racaille, éternellement dévouée, à qui lui jette du pain dans la gueule. On crie toujours contre la vénalité de Talleyrand et de Mirabeau, mais le commissionnaire d'en bas vendrait la patrie pour 50 centimes si on lui promettait de tarifier sa course à 3 francs. Ah, quelle faute! Nous aurions dû mettre le feu aux quatre coins de l'Europe. Frédéric lui répondit: l'étincelle manquait. Vous étiez simplement de petits bourgeois, et les meilleurs d'entre vous, des cuistres. Quant aux ouvriers, ils peuvent se plaindre, car si l'on accepte 1 million soustrait à la liste civile, et que vous leur avez octroyé, avec la plus basse flagornerie, vous n'avez rien fait pour eux que des phrases. Le livret demeure aux mains du patron, et le salarié, même devant la justice, reste l'inférieur de son maître, puisque sa parole n'est pas crue. Enfin, la République me paraît vieille. Qui sait? Le progrès, peut-être, n'est réalisable que par une aristocratie ou par un homme. L'initiative vient toujours d'en haut. Le peuple est mineur, quoi qu'on prétende. C'est peut-être vrai, dit Des Lauriers. Selon Frédéric, l'engrandement des citoyens n'aspirait qu'au repos. Il avait profité à l'hôtel d'Ambreuse, et toutes les chances étaient pour les conservateurs. Ce parti-là, cependant, manquait d'homme neuf. Si tu te présentais, je suis sûr. Il n'acheva pas. Des Lauriers comprit, se passa les deux mains sur le front, puis tout à coup: mais toi, rien ne t'empêche. Pourquoi ne serais-tu pas député? Par suite d'une double élection, il y avait dans l'Aube une candidature vacante. Monsieur d'Ambreuse, réélu à la législative, appartenait à un autre arrondissement. Veux-tu que je m'en occupe? Il connaissait beaucoup de cabaretiers, d'instituteurs, de médecins, de clercs d'études et leurs patrons. D'ailleurs, on fait à croire aux paysans tout ce qu'on veut. Frédéric sentait se rallumer son ambition.